enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Paget Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, avec Dominique et Serge, pour vous présenter Patchwork numéro 39, à l'écoute des musiques du monde. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Bonne Pâques. Oui, si tu veux, oui, on va chercher les œufs. Bonjour Serge. Salut à tous, salut à toutes. Bonjour Daniel. On est bien sur la cerise, sur le patchwork, c'est ça? Tu sais, moi, le dimanche matin, j'ai du mal un petit peu. Je vais lui donner ses gouttes. Bon, alors, un dimanche sur deux, c'est la cerise sur le canto, chanson française, panorama, chanson française de tous les temps. Et un dimanche sur deux, c'est patchwork. Sur le canto. Non, il n'y a plus de canto, là. L'humeur du jour. Bon. Bon. Je suis bien. Oui, je suis bien avec nos auditeurs. Ouais. On est heureux d'être là, en tous les cas. Je suis bien avec vous. Les jonquilles. Les jonquilles, elles sont déjà bien avancées. Alors, la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Norvège, trois coups de chapeau à Sissel-Kirkjebø, une promenade autour du mot poisson, et le tout étoilé de zouk antillais. Alors, en matière de zouk, une chanteuse originaire de Fond-des-Blancs, Dean, qui a grandi dans une famille haïtienne, entourée d'amour, mais aussi de musique. Et le décès de sa mère bouleversa sa vie et ce besoin d'évacuer, de parler, furent l'heure des éléments déclencheurs de sa carrière et le début d'une grande aventure musicale. Et la musique nous fait du bien quand nous sommes tristes et même quand nous sommes heureux. Et nous écoutons de suite « Ma vie d'In ». Plus de rester, je m'en vais. Avant de vous parler de la Norvège, nous voulons aussi saluer nos jeunes stagiaires qui nous font l'amitié d'être avec nous pour cette émission. Célestine, bonjour. Benjamin, bonjour. Ils n'ont pas de micro, ils ne peuvent pas répondre. Ismaël, bonjour. Lui, il est à la technique pour l'instant. Tout va bien. Alors, le royaume de Norvège est un pays d'Europe du Nord situé à l'ouest-nord-ouest de la péninsule scandinave qu'elle partage avec la Suède. Et les pays limitrophes sont la Suède, la Finlande et la Russie. Il faut savoir que la Norvège est bordée par l'océan Atlantique et l'océan Arctique. 5 millions d'habitants pour une superficie de 300 000 km², c'est après l'Islande et la Russie le pays le moins densément peuplé d'Europe. La capitale, c'est Oslo, qui compte 1 million d'habitants. Ensuite, Bergen, 250 000 habitants. Et Stavanger-Sandnes, 200 000 habitants. Alors écoutez bien les enfants, le taux de chômage en Norvège est de 2,4%. Et le salaire moyen est de 2 900 €. Pour comparaison, la France est 2 250. Après la Seconde Guerre mondiale, la Norvège a connu une expansion économique très rapide et compte aujourd'hui parmi les pays les plus riches du monde, avec une politique sociale très développée. Avec de grandes réserves de pétrole et de gaz naturel, la Norvège est classée première sur l'indice du développement humain et c'est le pays le plus démocratique du monde, ainsi que le plus pacifique et depuis 2017 élu également comme le pays du monde où l'on est le plus heureux. On écoute une chanson. Atchoum. Avec l'accent lorrain. Alors, Jimeg Anda Diven. C'est le titre. Les interprètes Kurt Nielsen et Ellen Bogst. C'est une chanson norvégienne. Tu t'en es bien sorti. Ouais. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love premier coup de chapeau à Cicel Kirjebo. Cicel Kirjebo, plus connue sous le nom de Cicel, est une chanteuse norvégienne originaire de Bergen. Et c'est également une artiste crossover. Elle pratique tous les styles de musique, du classique au rap, les mélangeant parfois. Et on écoute Den Farstad, Sommaren, Cicel Kirjebo. Så skönt att komma hem. Här blåser vindarna så friska och jag mår så bra igen. Det är som förr, fast mycket mer. Det jag ser är bilden av den första sommaren. Det låg just här, vårt sommarland. Les frères Jacques fut un quatuor français actif de 1946 à 1982, composé de André Bellec, Georges Bellec, François Soubéran et Paul Touraine. Ce sont eux qui avaient des collants et le groupe a atteint son sommet dans l'art de combiner le chant et le mime. Et le poète Jacques Prévert a déclaré « Au feu de la rampe, les frères Jacques allument un vrai feu de joie et les planches brûlent en crépitant » et ils dansent autour en chantant. La marchande de poissons, les frères Jacques. C'est une rousse affriolante, la belle marchande de poissons. Elle a les mains un peu collantes et le teint hâlé d'un vieux pêcheur breton. Et tous les jours il la contemple, décongelant ses maquereaux. Il écoute sa voix qui l'enchante, plus douce qu'un violon alto. Cette rousse impénétrable ne vit qu'à l'heure de la marée. Ses denrées sont si périssables qu'elle n'a jamais une minute à lui consacrer. Mais quelle conscience de poissonnière, elle soigne toujours ses bons clients quand ils ont un peu d'urticaire. Citron gratuitement. Elle est moule, elle est moule, elle est belle, elle est fraîche, ma boue. Oh, ça me tue. Elle sent le large, l'iode et les algues. Comment lui dire, j'en peux plus. Oh, ma rousse inafflammable, oubliez donc vos bigorneaux. Sa jolie voix caressante, elle lui dit: je vois ce que vous avez mangé de la pluie ou de l'alimente, c'est très bon pour les décalcifier. Oh, je pêche dans les eaux troublantes de la communicabilité. La Norvège est un pays comprenant montagnes, glaciers et fjords côtiers profonds. Oslo, la capitale, regorge d'espaces verts et de musées. Des navires vikings du 9e siècle sont exposés au musée des navires vikings d'Oslo. Avec ses maisons colorées en bois, Bergen est le point de départ des croisières pour le spectaculaire Sognefjord. Et la Norvège est également réputée pour la pêche, d'où le poisson, la randonnée et le ski, et notamment la station olympique de Lillehammer. La falaise de Preikestolen, une plateforme rocheuse qui surplombe les eaux de l'Isfjord, elle offre également un superbe panorama depuis ses 600 mètres d'altitude. Le Geirangerfjord, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, est réputé pour être le plus beau fjord de Norvège. Également Trolltunga, une superbe langue rocheuse à laquelle on accède par une randonnée de 23 km aller-retour. Admirez les églises en bois, typiques de Norvège, facilement reconnaissables par leur architecture extérieure, richement décorées de sculptures médiévales, les plus intéressantes, la Stavkirke de Vedal, la Stavkirke de Urns et la Stavkirke de Borgund. Les meilleures périodes pour voir les aurores boréales sont de février à avril. L'hiver, les superbes stries lumineuses sont visibles partout dans le ciel. Le soleil de minuit, le soleil ne se couche pas, il fait jour 24 heures sur 24. Le Cap Nord est le meilleur endroit pour admirer ce phénomène. C'est dommage qu'il y ait autant de moustiques. Alors maintenant parlons des glaciers. Le Jostedalsbreen, c'est le plus grand glacier d'Europe occidentale. Les îles Lofoten, un archipel de plusieurs îles reliées entre elles par des ponts et tunnels, des villages de pêcheurs typiques, et à ne pas manquer le panorama depuis Rheinbringen et la colonie d'oiseaux de l'île de Vairoa. Et aller voir les baleines. Des excursions... C'est pourtant, c'est pas un mot néerlandais, là. C'est baleine qui m'a troublé. Des excursions permettent d'observer les orques, les dauphins, les baleines à bosse et les cachalots. Et nous écoutons Do Live, Sofia Carlson. Thank you. låtsas trösta när sol går ner. Men håll dina visors buller bort, jag orkar ej höra dem mer. Jag orkar ej höra dem mer. Du liv, vad du än den dröm vi drömde om dig. Och dock har vi älskande ärligt och varmt, så trosor vid villande stig, så trosor sått med vår bästa vän att vattna. Deuxième coup de chapeau à Sissel Kirchabot. Bah pour tout te dire, Daniel, moi je m'imagine dans le jacuzzi, de la neige blanche, non, abondante. Avec un feu de bois. Avec un feu de bois qui crépite à côté. Dans le jacuzzi. On est complètement dans l'ambiance. Allez, on revient à Sissel, la chanteuse norvégienne qui détient le record d'albums vendus. En effet, 9 millions d'exemplaires pour un pays qui ne compte que 5 millions d'habitants. Et on écoute Gulen et Har, Sissel et Tommy Korkberg. Stjärnorna faller i natten, du himla ses yeux sous os, primer nova clor, nihila nure. Nous allons maintenant vous parler d'une comédie musicale, Armorica, Terre de pêcheurs. Comédie musicale de Romain Albertini et Vincent Oudret. C'est une histoire de mer et d'amour. Une histoire d'homme dans une Bretagne maritime. La difficulté de gagner sa vie avec la mer. L'angoisse des femmes. Des histoires d'amour. Les hommes pêchent en mer et les femmes vendent le poisson à la criée ou travaillent à la conserverie. Du poisson, Armorica, Terre de pêcheurs. Pesé, acheté à la criée. poisson. Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Du poisson. Moi, je conseillerais cette chanson à tous les poissonniers qui nous écoutent, en fond, dans le magasin. Moi, tu connais toutes les variétés de poissons. Voilà. Du merlu, du barbu. Oui. Ben... Du zouk. Du zouk. Justement, parlant de zouk, Daniel, eh bien, on va changer de style. Et on... Alors, celui-là est tout nouveau et ça s'appelle Tous les dés, Alvillo. Voilà. Vous casez vos sexes et moi, ambiance et moi. Vous voulez vivre en moi, un plus un fond un. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Tous les dés nous savent que nous c'est des alliés. Tous les dés, tous les dés, yeah. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Tous les dés, ok, ok, ploté, tous les dés. Ça toujours mêlé, parfois j'aime trop têter, j'suis comme un bébé. C'est des pralinés pas habitués. En plus ils sont pas refaits, c'est que ça va durer. En bas trop compliqué, j'aime tout ce qui est agréé. Attiré par les DM qui ont cavoyé. En cas respecté au plus qui s'est messier. Ou pas assimé. Ou pas zéro sexe et moins. Ambiance et moins. Ou voulez vivre en moins. Un plus un fond un. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Tous les dés savent que nous c'est des alliés. Tous les dés, tous les dés, yeah. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Tous les dés nous savent qu'à nous voulez. Nous pas complexer, nous pas ni approuver. Yo qu'à copier, ça normal ou coller. Si moi yo qu'à baver, entendu yo qu'à jalouser. Trop ondulé ou trop stylé. Putain de qualité, t'es tatoué, envoie ça là où t'es cambré. Non, en moins qu'à bouger, en même temps qu'il fait ciel, en bas halluciné, en bas t'es drogué. Au cas zéro sexe, c'est moins, ambiance et moins. Vous voulez vivre en moins, un plus un fond un. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Tous les dés nous savent que nous c'est des alliés. C'est un bouc à apprécier tout ça qui part dans l'excès. Dose la fixer, ou qu'à manipuler tout ça qui est ou qu'à toucher sans forcer. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Tous les dés nous savent que nous c'est des alliés. Tous les dés, tous les dés, yeah. Tous les dés nous savent que nous toujours pareil. Les Norvégiens mangent, bah oui, mais ils mangent même jusqu'à 4 fois par jour pour une bouffée. Alors parlons du premier repas, les nutritionnistes s'accordent à le dire, c'est le plus important. Hein. Donc chez eux, en Norvège, le petit déjeuner est un vrai repas salé. Pâté de foie, saumon cuit, mariné ou fumé, œuf de poisson, jambon, rôti de porc ou fromage, mais toujours sur du pain. Et après le salé, alors c'est le tour du sucré. Fromage blanc, flocons d'avoine, pain aux céréales, confiture et fruits. Puis alors après, il y a le deuxième repas. Un snack pour la pause déjeuner, c'est vers 11h30, avec hamburger, hot dog, bagels et sandwich. Ça, c'est un régime qui nous irait bien. Oh, hein, bah, ça fait rêver. Ça fait rêver. Troisième repas, mes enfants, vers 17h30 pour festoyer. C'est le repas chaud de la journée. Protéines, légumes et fruits. Poisson, hareng, morue, crevettes. Et il n'y a pas que du poisson. Il y a la viande, du bœuf, du porc, de l'agneau, élan et renne, préparés en steak, en ragoût ou en boulette. Également des légumes, choux, carottes, betteraves, navets, rutabaga et surtout pommes de terre. Alors ça c'est marrant, les fruits aussi, et surtout des fruits rouges. Fraises, cerises, framboises, mûres, érelles. Curieux, on n'irait pas avoir ça en Norvège. Bah ouais. Oui, c'est comme ça. Et le quatrième repas, le snack est 21h30, bien arrosé. Alors ça nous plairait bien aussi. Bien arrosé de bière pour les hommes et de vin pour les femmes. La Norvège n'a pas une grande tradition culinaire, ça vous l'avez compris. Pizza, fromage au caramel, kebab en boîte, œufs de poisson en tube. Côté côte plat cuisine, on retiendra le ragoût de renne, le pavé de baleine, saignant s'il vous plaît. Et les filets de poisson rouge des profondeurs. Allez, on écoute Skifri Himmel, Björn et Suag. Det eneste ønsker sig det var en sol. Skifri himmel, en problemfri time i gode venners lag. Nykter men svimmel, svimmel av glede, så glad for litt fri. Det ikke for mye å ønske seg det, men du vet, det skal nok ikke til. Det for tider ikke som livet er. Det var ikke sånn det skulle være, det var ikke sånn det skulle bli. Du drømte som lite om en mye bedre tid. Du drømte om det gode du aldri fikk. Alt skulle bli bra, bare du kom seg vekk. Det ble aldri slik. Det så rar for mange svik. Det eneste ønsker seg det var en solskinsdag. Skifri himmel, en problemfri time, gode venners lag. Nykter men svimmel, svimmel av glede, så glad for litt fred. Det ikke for mye å ønske seg det, men du vet, det skal nok ikke til. Det får tida ikke som livet er. Dagen gjør vondt og lyser ingen vei. Det tryggest i mørket med skådene. Ikke alltid alt er like kjekt å se. Det kan være greit å slippe lys på det en driver med. Det var ikke som det skulle være. Men mørket har et grådig begjær. Det er tungt å ta tilbake en barndom som er tatt. For hver mislykka forsøk blir en bare meg. Det eneste ønsker seg var en solskinnsdag. Skifri himmel, en problemfri time, gode venners lag. Nykter men svimmel, svimmel av glede, så glad for litt fred. Det er ikke for mye å ønske seg det, men du vet, det skal nok ikke til. Det får tida ikke som livet er. troisième coup de chapeau à Sissel Kirkjebø. Elle a participé et continue de participer à de nombreux événements internationaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est elle qui, en 1992, jugée sur un ours blanc, introduisait les représentants de son pays lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'Albertville. En 1994, à nouveau aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Lillehammer. Elle enchantait également le public lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football. Elle a chanté avec Placido Domingo et Charles Aznavour. C'est une grande dame de la chanson qui depuis se produit dans les plus grands événements. Et on écoute Sater Jensen, Sondag, Sissel Kirkjebø. Retrouver tout l'esprit de la Caraïbe, Morgane nous amène à la conclusion suivante, écoutez bien. Femme n'est jamais content. La tête poisson, Morgane. À peine rentré, direction la poissonnerie. Bonjour. monsieur, messieurs, mon madame, il veut 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, madame, allez, 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. 6 la tête poisson, madame, allez, 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, à balles. 6 la tête poisson, madame, allez, 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. 6 la tête poisson, madame, allez, 6 la tête poisson. 6 la tête poisson, dansons doucement, à balles. Tension m'y trouve heureusement on va gagner. Ma petite fée, mon nez est pas loin monté. Quand il arrive sans t'y fait son figuier écrasé. Mais tu bonnes pas, madame, assise dans le canapé. Quand sera prêt, va crier à toi, va n'y goûter. Six la tête poisson, madame, allez, six la tête poisson. Six la tête poisson, tension doucement, allons pas trop vite. Six la tête poisson, madame, allez, six la tête poisson. Six la tête poisson, dansons doucement, à balles. Six la tête poisson, madame, allez, six la tête poisson. Six la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. Six la tête poisson, madame, allez, six la tête poisson. Six la tête poisson, dansons doucement, à balles. Six la tête poisson, madame, allez, six la tête poisson. Six la tête poisson, dansons doucement, allons pas trop vite. Six la tête poisson, dansons doucement, à balles. À tête poisson, t'es pas trop salé ça? Bientôt. Que ramener de Norvège? Oh, des choses qu'on ne peut acheter qu'en Norvège. Alors, on peut ramener, mais bon, ça reste quand même le costume traditionnel norvégien et ça s'appelle les bunads. C'est porté lors des jours fériés, des anniversaires, des fêtes de famille, des grands événements, quoi. Et c'est porté également dans la ville de Kautokeino. Alors, l'eau de feu. Si je vous dis l'eau de feu, c'est l'aquavite. Elle est fabriquée à base de pommes de terre ou de céréales. Elle titre, il faut le savoir, un minimum de 37,5 degrés. Elle n'est pas faite pour les faibles du cœur. Authentique pull norvégien. En Norvège, il n'y a jamais de mauvais temps. Bah non. Mais bien sûr que non. Mais c'est seulement des mauvais vêtements pour protéger du froid. Chocolat de réglisse, une combinaison des deux, est considérée comme une gourmandise gastronomique. Le Ostøvl, il s'agit d'un trancheur de fromage. Les abreuvoirs vikings, des bols en forme de navire avec des dragons sculptés aux extrémités. Et bien sûr, les figurines trolls laides et affreuses, des statues sculptées en bois qui évoquent le folklore qui les entoure. Et pour clôturer tout ça, on écoute Masken Olepos. Kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant? Til de tror at alt greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg med ord. där helt fint. Jag är helt fin och jag trängde bara lite tid för mig själv. Men se på mig nu. Jag är helt uppriktig, men ingen vet väl vad som kan ske. Har du sett dig själv någon gång? I spejlet står ett smil, men allt i dig är knust. Du är hjälplös, du vill bara bort. Ingen kan förstå. Har du drömt dig själv någon gång? Att du är ett annat sted, där masken blir tagit bort och all angst blir stöv. Och så, och för alltid, är du hel. Allt är helt fint. Jag är helt fin och jag trängte bara lite tid för mig själv. Men se på mig nu. Selv om ingen vet hva som kan skje. Går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger deg og stemmene som henger etter deg. Jag är helt fint, jag är helt fin och jag trängte bara lite tid för mig själv. Och se på mig nu, jag är helt uppriktig, selv om ingen vet vad som kan ske. Ingen vet vad som kan ske. Alors dans ce qui suit, les voix se mêlent et se répondent. L'improvisation et le théâtre sont toujours présents. À l'intensité de l'accord s'ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme endiablé de la batterie. Et à travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs, leurs doutes et leurs plus belles scènes de France. Petits et grands, punk et fonctionnaires, nourrissons et grand-mères, tout le monde aime vibrer au rythme des petits-fils de Jeannine. Il est frais, mon poisson, les petits-fils de Jeannine. Comment ? Chameau. À qui vendra le plus de salade avec la carte fidélité? On vous offre la pommade, je vais vous prendre 600 000 et mettez-les dans le même panier. Les gens n'y verront que du feu et puis ils sont habitués. Il est frais mon poisson, pêché en pleine mer de. Et qu'importe la cuisson ou la taille de la casserole. Un parcours des plus surprenants que ridicule, homme avant-gardiste. Vous deviendrez assurément la référence des cuisinistes. Il était si loin d'affaire avant qu'on ne se penche sur les siennes. Il a juré, crois-toi, crois te faire, cette Pénélope n'est pas la mienne. Certains font un geste commercial. Réduction de 50% sur la confiance électorale. Comment peut-on y croire encore? Faut-il être crédible à ce point? Chacun sa boîte, le Pandore. Et son histoire sans fin. Chacun sa boîte, le Pandore. Et son histoire sans fin. Il est frère, mon poisson pêché en pleine mer de Paul. Ou la taille de la casserole. Il est frais, mon poisson pêché en pleine mer de Paul. Et qu'importe la cuisson ou la taille de la casserole. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 39, à l'écoute des musiques du monde. Merci à Yves, merci à nos jeunes stagiaires pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fachette. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours, mais nous serons là, bien sûr, dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fachette Nancy 94.2. Ça, c'est pour les Lorrains. Et pour les autres Européens, radiofachette.net. Youpi. Nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Allez, au revoir. Au revoir.